Monsieur X a éclaté de rire lorsque je lui ai posé la question. Parce que, m'a-t-il dit, vous estimez qu'en ce moment, Total n'a pas assez d'ennuis comme ça ? Je venais en effet de lui demander ce qu'il pensait des activités contestées de la compagnie pétrolière en Birmanie. La Birmanie, qui vit sous la férule d'une junte militaire particulièrement féroce, une narco-dictature comme on l'a appelée. La Birmanie, patrie du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, cette femme courageuse qui a longtemps été emprisonnée puis séquestrée par les généraux birmans et qui n'a toujours pas recouvré une entière liberté de mouvement. La Birmanie, qui est au banc de la société internationale, mais où donc Total, compagnie française, est le principal investisseur étranger. Peut-on faire du commerce avec n'importe qui? Telle est au moins l'une des questions posées par cette affaire. Depuis que Total est implanté en Birmanie, au début des années 90, la compagnie pétrolière fait l'objet de violentes critiques. La société est non seulement accusée de soutenir la dictature, mais aussi d'avoir fermé les yeux sur de graves atteintes aux droits de l'homme, travail forcé, déplacement de population, etc. À chaque fois, Total a répliqué en accusant ses détracteurs de fomenter des campagnes de dénigrement parfaitement mensongères. Alors qu'en est-il ? Si j'ai posé la question à mon interlocuteur, c'est qu'un livre récent donne un point de vue inédit et provocateur sur ce dossier. Il s'agit du dernier ouvrage de Rémy Koffer, le spécialiste bien connu des questions de renseignement. Intitulé « L'arme de la désinformation » et paru chez Grasset, il recense justement toutes les formes que peut prendre la désinformation. Autrefois, spécialité soviétique, la désinformation semble en effet jouer un rôle de plus en plus grand dans la compétition industrielle, commerciale et technologique, particulièrement dans la rivalité entre l'Europe et les États-Unis. Et les méthodes utilisées, ainsi que les hommes qui les mettent au point, ressortent du monde de l'espionnage et du renseignement. C'est pourquoi j'ai posé la question à M. X, la compagnie Total. A-t-elle été victime d'une campagne de ce type ? France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. D'abord, enfin, j'ai vraiment l'impression de me répéter, dès qu'il y a une odeur de pétrole, les hommes du renseignement ne sont jamais très loin. En Birmanie, il ne s'agit pas de pétrole, mais enfin de gaz naturel. Enfin, c'est un peu pas pareil. Bon, vous me l'avez déjà dit, mais enfin, répétez-vous, pourquoi Pour de multiples raisons. L'exploitation de ces gisements fossiles génère des profits considérables, vous n'ignorez pas. Ensuite, ce sont des produits stratégiques dont dépend l'existence économique de nos sociétés. Et puis, les principaux gisements se trouvent dans des pays du tiers-monde. Ou des pays émergents, comme on dit maintenant. Des pays où les grandes compagnies pétrolières sont tentées de faire la pluie ou le beau temps. Enfin, il y a une sorte de tradition dans ce cas. Tradition, qu'est-ce que vous voulez dire ? Prenons simplement le cas de la France. Elf, par exemple, a toujours joué un rôle occulte dans la politique extérieure de notre pays, surtout en Afrique, bien sûr. D'autant que souvent, les contrats pétroliers ont été associés à des contrats d'armement. Puis rappelez-vous, car nous en avons déjà parlé, on a toujours trouvé des anciens des services dans la compagnie. Enfin, dans le service de sécurité de la compagnie. Oui, enfin, il était truffé de type du SDEC ou de la DGSE. On a même dit, non sans raison, qu'il s'agissait d'un service parallèle, qui à l'occasion menait des actions secrètes, à l'initiative ou pas de pouvoir, d'ailleurs. Et Total, alors, Total qui a d'ailleurs pris récemment le contrôle d'Elf, il faut le rappeler. C'est exact. Total, c'est un peu différent. Il n'y a pas de service de sécurité tel que celui qui existait chez Elf. Et vous voyez une raison ? Bon, parce que la compagnie préfère faire appel à des intervenants extérieurs. Ouais, mais au fond, c'est la même chose. Libre à vous de le penser, mais enfin, nous allons en reparler. Alors, évoquons d'abord la Birmanie. Vous avez raison. Un petit rappel ? Comme vous voudrez, oui. Bon, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique. J'espère. Hein. La Birmanie, colonie britannique, occupée par les Japonais pendant la guerre. Là, on se souvient du pont de la rivière Kwai. Tout à fait, oui. Et on y reviendra tout à l'heure, très curieusement. Ah bon, pourquoi ? Parce que ces images terribles ont frappé les imaginations et que certains Britanniques n'ont pas oublié. Enfin, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. La Birmanie, donc, conquiert son indépendance en 1948, mais elle ne connaîtra pratiquement plus la paix. Pour quelle raison ? Parce que le pays rassemble plusieurs ethnies différentes qui ne cesseront de réclamer leur autonomie ou même leur indépendance et qui généreront autant de guérillas. Ça continue d'ailleurs. Oui, c'est juste. Bon, mais au début des années 60, les militaires prennent le pouvoir. Des militaires qui se réclament de la Chine. C'est le grand bond en avant. Version birmane. Une catastrophe à tout point de vue. C'est-à-dire ? Sur le plan économique et sur le plan politique, le pays complètement refermé sur lui-même est ruiné. Quant aux libertés, n'en parlons même pas. Les opposants, dès qu'ils manifestent, sont massacrés par les forces de l'ordre. Alors, au fond, comme dans tout autre régime militaire. Hein. Bien entendu. Mais en 1988, les choses changent. Oh, pas fondamentalement, puisque ce sont des militaires qui succèdent à des militaires. Et les nouveaux instaurent un conseil d'état de restauration de la loi et de l'ordre, le SLORC. Le SLORC, on dirait une onomatopée. Mais plutôt sinistre, non? Oui, oui. En fait, c'est en anglais le sigle de ce conseil, mais le changement est d'ordre économique. Le pays s'ouvre à l'extérieur et aux investisseurs étrangers. Par contre, ce qui ne change pas, ce sont les guérillas et le trafic de drogue. Ouais. Et la Birmanie fait partie du fameux triangle d'or. Hein. Au nord, oui. Et c'est l'un des principaux pays producteurs d'opium. Et cette économie parallèle procure beaucoup d'argent aux dirigeants birmans, bien sûr. C'est-à-dire essentiellement aux généraux du SLORC. C'est évident. Et pourtant, en 1990, il y a un sursaut. Le parti de la Ligue nationale pour les démocraties, parti qui a été exclu de la campagne électorale et dont tous les dirigeants ont été arrêtés, n'en remporte pas moins les élections législatives avec une majorité écrasante. Ouais, c'est le parti du futur prix Nobel de la paix. Oui, Aung San Suu Kyi, qui est incarcéré depuis plusieurs mois. Mais aussitôt après le vote, les militaires désavoués confisquent cette victoire électorale et annulent carrément le verdict des urnes. Oui, c'est en effet beaucoup plus simple. Quand on dispose de la force, n'est-ce pas? Et c'est cette junte qui est toujours au pouvoir et qui a mis le pays en coupe réglée. Tout procède des militaires, tous les profits leur reviennent. Y compris l'argent de la drogue? Bien évidemment. Et c'est dans ce pays que Total a choisi de s'implanter. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes, parce que tout projet doit être négocié avec les militaires. Mais quelle est la nature de l'implantation de Total? Au début des années 80, on découvre dans le golfe de Martaban, au grand large de Rangoon, d'importants champs de gaz naturels. Et sous la mer, donc? Oui, et dès 1990, Total prend contact avec le SLORC. Afin d'exploiter le gisement? Une parenthèse ici. Total a toujours prétendu ne jamais avoir négocié avec les militaires. C'est bien évidemment une fiction. On ne peut rien faire en Birmanie sans eux. Alors, c'est vrai, la compagnie française a conclu un accord d'exploitation avec une société birmane, la MOJ. Mais cette société est entièrement contrôlée par le SLORC, alors ne soyons pas hypocrites. Oui, en effet. Mais quel est le projet exact de Total, là-bas? Il s'agit donc d'installer deux plateformes offshore sur le site baptisé Yadana, et de construire un gazoduc sous-marin jusqu'à la côte. Gazoduc poursuivi ensuite à terre à travers le territoire birman pendant une soixantaine de kilomètres jusqu'à la frontière thaïlandaise. Parce que le gaz est destiné à la Thaïlande? Essentiellement, oui. Le gaz naturel doit alimenter une centrale électrique qui va être construite près de Bangkok. Mais la difficulté, c'est le passage en Birmanie. Et pour quelle raison? À cause des guérillas qui sévissent dans la région. Des guérillas que n'arrivent pas à contenir les militaires birmans? Oui, les guérillas des ethnies Mun et Karen. Ouais. Les Karen, dont on a encore beaucoup parlé très récemment. Hein. C'est exact, oui. Une partie de ces insoumis serait menée par deux enfants au pouvoir prétendument magique. Ouais. Et dont les troupes auraient été décimées par l'armée birmane, toujours oui, enfin, récemment. Oui, d'accord. Mais enfin, revenons à ce que je vous disais. Le territoire où doit passer le gazoduc à travers la jungle est donc contrôlé par ces guérillas. Et cela, Total ne peut pas l'ignorer. Ça me semble évident. Par conséquent, avant même d'envisager le moindre travail de repérage, il faut assurer la sécurité dans la région. Ouais. On a vu, dans d'autres parties du monde, hein, de grandes compagnies étrangères conclure des accords avec les mouvements rebelles. C'est vrai, il est toujours possible d'acheter la paix. C'est ce qu'on appelle parfois l'impôt révolutionnaire. On paie la guérilla et le tour est joué. Et je crois que les Karen en particulier ont essayé de négocier avec Total. Mais il fallait compter avec les maîtres du pays. Et pour le SLORC, il était exclu que Total accepte de financer un mouvement à qui il faisait la guerre. Ouais. Sous peine de rupture de contrat? Oui, enfin c'est à peu près ça. Alors maintenant vous avez compris? Il fallait que la zone soit sécurisée avant le début des travaux et la compagnie française a pudiquement fermé les yeux sur les opérations militaires. Opérations accompagnées naturellement d'exactions diverses et de graves entorses aux droits de l'homme. Quand on connaît l'armée birmane, on ne s'étonne pas. Mais sur le papier, la compagnie n'était ni engagée ni vraiment concernée. C'est vrai, mais cette première phase va laisser des traces. Et pas seulement dans les villages pillés, dévastés et brûlés. Confirmation des propos de M. X par un journaliste, Francis Christophe, qui a écrit un petit livre intitulé « Birmanie, la dictature du pavot », livre publié aux éditions Philippe Piquier. J'en extrais ces quelques lignes. Les contrats de fourniture de gaz s'accommodent mal des incertitudes et des hasards de la guerre sur un terrain propice aux opérations de guérilla. Un petit groupe d'hommes déterminés peut aisément détruire du matériel de chantier long et coûteux à remplacer, prendre des techniciens en otage, saboter des installations vitales. Toutes ces considérations de bon sens aboutissent à une évidence. Lorsque Total a décidé de répondre à l'appel d'offres Yadana, sa direction disposait nécessairement d'éléments lui permettant de tabler sur une élimination de la menace Karen avant la pose du tronçon terrestre du gazoduc. Cette certitude ne serait vraisemblablement reposée uniquement sur les déclarations d'intention des généraux birmans dont les performances contre les Karen n'ont pas donné les résultats annoncés. Début 1992, l'état-major et le général Kin Niunt, chef du renseignement militaire, promettaient publiquement la chute de Manerplo, le quartier général Karen, avant la fête des forces armées en avril, alors qu'elle nécessitera 3 ans de combats supplémentaires. Et Christophe ajoute un peu plus loin. La compagnie pétrolière a cru pouvoir se plier aux exigences de la junte birmane, car elle disposait probablement d'informations sur les moyens prévus contre la résistance karen si les méthodes classiques n'aboutissaient pas dans les délais impartis. Mais quand le contrat est signé, est-ce que la guérilla karen, au moins dans le secteur où doit être construit le gazoduc, a été éradiquée? En partie, oui. Seulement en partie? Oui, parce que le travail de pacification, enfin appelons-le comme ça, ça nous rappellera des souvenirs, n'a pas entièrement abouti. Et en 1995, une équipe travaillant pour Total sera attaquée par un commando Karen. Plusieurs hommes seront tués, en principe tous des Birmans. Pourquoi cette restriction? Parce que l'affaire ne sera vraiment jamais éclaircie. La compagnie pétrolière ne fera pas preuve de beaucoup de transparence. Mmh. Alors revenons au contrat. Il est signé un peu avant. Total, assez habilement, a pris soin de s'associer avec un pétrolier américain, une OCAL. Mmh. Pourquoi est-ce habile, ça? Parce que les Français savent très bien que l'investissement considérable qu'ils vont faire dans un pays dirigé par une dictature militaire impitoyable sera sévèrement jugé. En particulier aux États-Unis, où l'on n'est jamais si prompt à dénoncer les atteintes aux droits de l'homme que lorsqu'ils sont commis par d'autres. Donc, en mouillant, si je puis dire, des Américains, la direction de Total entend désarmer par avance les critiques. Mmh. Oui, c'est effectivement habile. Mais est-ce que la négociation était facile? Avec les militaires birmans, vous voulez dire? Oui. Elle a été très longuement préparée, et dans cette phase, les hommes du renseignement vont pointer le bout de la nez. Nous y voilà. Je connais pas mal d'anciens collègues qui se sont reconvertis dans les affaires et qui, ma foi, y ont plutôt bien réussi. Oh, vous-même, vous me semblez loin d'être à la rue, hein? Enfin, je n'ai rien à me reprocher. Bon, admettons. C'est bien aimable, merci. Alors, poursuivons. Ces hommes ont mis en avant leur connaissance des techniques du renseignement et des dossiers confidentiels pour intégrer quelques grandes multinationales ou leur servir de poisson pilote. Pour négocier des contrats? Par exemple. Mm-hmm. Là où il fallait user d'expédients pas très catholiques, par exemple. Oui, vous voulez dire des pots de vin, mais ça c'est classique, non? Bien sûr que c'est classique, mais ces choses-là se négocient dans l'ombre. Et mes anciens amis adorent porter des valises. Plus sérieusement, il y a aussi le financement des partis politiques. Les commissions, vous le savez bien, ça sert à ça aussi. On vient de le voir en Allemagne avec le financement de la campagne de M. Kohl par Elf. Mmh. Et il en a certainement été ainsi lors de la vente des frégates à Taïwan. Mmh. Pas l'intermédiaire de Elf, toujours, il faut le remarquer. Bizarre, hein. Que venait faire une compagnie pétrolière dans la vente de frégates fabriquées par un autre industriel français? Alors là aussi, je vous l'assure, des hommes de l'ombre en activité ou pas ont joué un rôle. Mmh. Mais vous qui connaissez bien ces milieux, hein, est-ce que vous savez si ces gens-là, vos anciens collègues, agissent pour leur propre compte, c'est-à-dire pour la société qui les emploie, ou est-ce qu'ils sont encore des agents des services? Je vous l'ai déjà dit souvent. Dans ce monde-là, on ne coupe jamais ses racines. Alors concluez vous-même. Grâce à eux, le pouvoir, et quand je dis le pouvoir, il ne s'agit pas seulement de pouvoir politique, continue à se manifester et à pousser ses pions. Vous savez, on a souvent dit que désormais les ministres à l'étranger se conduisaient comme des VRP. Eh bien, à leur manière, les anciens des services aussi, mais ils font ça plus discrètement et avec un petit peu moins de scrupules. Oui, soyez plus précis, quand même. Lors de la négociation d'un contrat, il y a aussi les compensations. C'est-à-dire? Les ventes d'armes. Ouais, mais expliquez le principe. Oh, c'est très simple. Dans ces pays dirigés par des militaires, on est obsédé par les livraisons d'armes. Or, souvent, ces dictatures sont les victimes de mesures d'embargo. Mmh, c'est le cas en Birmanie. Oui, en théorie. Et la communauté internationale a décidé un embargo sur les ventes de matériel militaire à destination de Rwanda. Ouais. Donc, il faut trouver un moyen pour violer cet embargo. Vous avez tout compris. Donc, pour les généraux birmans, il est tentant de dire, si vous voulez exploiter votre gisement de gaz naturel, il faut d'abord nous aider à nous procurer des armes. Mais c'est là qu'interviennent les anciens des services? Évidemment. C'est un marché qui exige beaucoup de relations et beaucoup d'ingéniosité. Dans l'affaire qui nous occupe, par exemple, on s'apercevra que pendant la période où Total négocie avec les généraux du Slork, une bonne vingtaine d'hélicoptères de seconde main révisés en Pologne prendront la direction de Rangoon. Donc c'est Total qui a payé ces hélicoptères? Bon, on peut pas dire les choses comme ça, mais enfin, il se trouve qu'avant de signer le contrat définitif, la compagnie pétrolière a versé 15 millions de dollars à la Birmanie. En principe, pour voir, comme on dit au poker, c'est-à-dire obtenir des informations sur le gisement. Oui, mais si je vous ai bien compris, ce sont ces dollars qui ont servi à payer les hélicoptères. Vraisemblablement. Une partie des hélicoptères, en tout cas. Les autres ont été payés par le seul argent qui était à la disposition de la dictature birmane. L'argent de la drogue. Évidemment. Et par l'intermédiaire d'une société française où grenouillent pas mal d'anciens des services. J'ajoute justement à propos de l'implication de Total dans cette affaire que le président polonais, qui était alors Lech Walesa, a vendu volontairement ou pas la mèche. Ah bon, comment ? Eh bien, il a carrément déclaré que c'était la compagnie française qui avait acheté des hélicoptères au profit des généraux birmans. Amusant, non ? Mais justement, alors, ces hommes de l'ombre, comme vous dites, vous ne pouvez pas être un peu plus précis ? À quoi bon ? Bah, vous les connaissez ? Naturellement. Je ne peux pas vous donner de nom, simplement quelques pistes. Bon, allez-y, alors. La petite société qui a servi d'intermédiaire dans cette affaire des hélicoptères est très proche d'un ancien préfet qui a fait une longue carrière dans les services secrets. Ça vous dit quelque chose ? Je crois, oui. Et cet homme serait ami avec un ancien ministre de l'Intérieur ? Voilà, vous avez trouvé. Le deuxième homme, lui aussi ancien des services, a joué un rôle essentiel dans les rapports avec les généraux birmans du SLORC. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a été longtemps en poste à Rangoon, qu'il était à tu et à toi avec tous ses officiers et qu'il connaissait parfaitement la réalité birmane. Puis il y a un troisième personnage. Un monsieur qui a occupé de très hautes fonctions dans les sphères dirigeantes du SDEC et qui ensuite, avant de pantoufler dans le privé, a été un temps ministre. On a vu très souvent ce personnage en Birmanie, sans vraiment s'expliquer les raisons de sa présence. Et lui, alors, quel rôle a-t-il joué ? Bah, lui, c'était un politique. Et à mon avis, il a dû rassurer les généraux. Et pourquoi les rassurer ? Pour leur dire, par exemple, que le gouvernement français ne s'opposerait pas à l'implication de Total en Birmanie. Mmh. Oui, mais est-ce que les autorités françaises avaient réellement leur mot à dire ? Bah, naturellement. Il y avait alors un représentant de l'État au conseil d'administration de la compagnie. Et un engagement économique de cette taille dans un pays aussi suspect ne se fait pas sans un feu vert du pouvoir, ne serait-ce que parce que ces investissements doivent être garantis en cas de pépin. Mmh. Donc Total a investi en Birmanie en parfait accord avec les plus hautes autorités françaises. C'est évident. Mais ça, vous pouvez le concevoir, cette intrusion française dans un pays du sud-est asiatique ne pouvait pas faire plaisir à tout le monde. Et c'est là que les ennuis vont bientôt commencer. Oh, rendez-vous avec X. Qui étaient donc ces hommes de l'ombre qui ont aidé Total en Birmanie. Rémy Koffer, dans le livre que j'ai déjà cité, L'arme de la désinformation, donne quelques précieuses indications sur l'un d'eux à qui il donne le pseudonyme de Monsieur Jean. Je le cite. Autrefois diplomate en poste à l'ambassade de Rangoon, cet homme d'affaires français, familier de l'Asie, a ses petites et ses grandes entrées chez les militaires birmans. Non content de disposer d'un relais personnel dans l'entourage privé de l'ancien numéro 1, Newin, M. Jean est l'associé d'un ex-dirigeant des services de renseignement locaux. Le réseau relationnel et le champ d'activité des diverses sociétés de notre compatriote s'étend également sur le Vietnam. M. Jean ne fait pas seulement du business, il a aussi l'âme patriote. Chaque fois que le coup s'avère faisable, l'ancien diplomate aime promouvoir les intérêts français dans ses deux pays d'adoption. Jouer un bon tour aux anglo-saxons qu'il ne porte pas dans son cœur ne lui déplairait pas. Ok, Monsieur Jean va voir ce qu'il peut faire avec ses amis du SLORC. Ne nous appesantissons pas sur le personnage, pourtant haut en couleur. La seule évocation de son nom fait grincer quelques mâchoires dans le quartier de la Défense au siège de Total. À Rangoon, son rôle dans la jeunesse du projet Yadana fait figure de secret de polichinelle. Mais à la Tour Total, à Paris, il reste secret d'État. Monsieur Jean, on ne connaît pas. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de contact, même indirect, avec le SLORC juré craché. Les seules négociations menées l'ont été avec l'état-major de Mauges. Mais Rémy Koffer, comme M. X l'a déjà fait, souligne que cette compagnie Mauges est contrôlée par les généraux. Quand vous dites que l'initiative de Total mécontente beaucoup de monde, j'imagine que vous voulez parler de ses concurrents. Oui, parce que le gâteau est très gros et il fait des envieux. J'ajoute que Total vient de jouer un sale tour à ses rivaux anglo-saxons. Alors, de quoi, là, voulez-vous encore parler ? En 1995, c'est-à-dire l'année où Total finalise son accord avec la Birmanie, la compagnie pétrolière signe un énorme contrat avec Téhéran. Et les Américains sont fous de rage. Parce que de leur côté, ils s'empêchent de commercer avec l'Iran. Bien sûr. Ils viennent même de décréter un embargo économique sur la République islamique. Vous savez bien que lorsqu'ils prennent ce genre de mesures, ils ont tendance à penser ou à exiger qu'elles doivent s'appliquer à toutes les sociétés occidentales. Tout le monde doit suivre sous peine de représailles. Ou de procès. Ouais. Donc, à cet instant, Total défie les États-Unis. Incontestablement. Et la riposte ne va pas tarder. Mais quelle forme va-t-elle prendre ? Ben, on va appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire ? Sur les activités de Total en Birmanie. Les rapports de la compagnie française avec les généraux birmans? C'est évident, oui, je vous l'ai déjà expliqué. Total s'est donné des verges pour se faire fouetter. Et la compagnie va d'ailleurs en rajouter, au moins par maladresse. Enfin, quelles que soient les manipulations et les manœuvres de désinformation qui vont se mettre en place, il faut bien reconnaître qu'il est difficile à Total d'ignorer ce qui se passe réellement en Birmanie. Et ce qui se passe, expliquez? Le chantier de gazoduc est entrepris sur une bande large de quelques kilomètres. Ouais, sur une longueur de 60 kilomètres, m'avez-vous dit? Oui, mais cette zone est sécurisée par qui? Par l'armée birmane, bien entendu, qui a amassé des troupes de chaque côté de ce couloir. Mais la compagnie pétrolière n'a pas les moyens d'assurer elle-même la sécurité sur le chantier du gazoduc? Elle va faire appel à des spécialistes, des Français, des anciens du GIGN ou des services actions de la DGSE. Encore eux? Oui, je vous l'ai dit, dans cette affaire, on trouve des gens du renseignement à tous les coins de rue. Donc, ces types travaillent à assurer la protection des ouvriers et des techniciens. Mais ils ne peuvent pas tout faire. En dehors de cette bande de quelques kilomètres de large, je vous le répète, ce sont les Birmans qui occupent le terrain. À leur manière, enfin ça j'en ai déjà parlé. Tout ça pour vous dire que dans cette affaire, je ne prends aucunement la défense de Total. Donnez-moi acte. Ouais, je crois l'avoir compris, mais il n'empêche que ces services de sécurité doivent forcément avoir des relations avec les généraux birmans. C'est inévitable. Et là encore, ces contacts nourriront les soupçons. Je suis content de vous l'entendre dire. Mais je vous repose la question. Quelle forme vont prendre les attaques contre Total ? En 1996, une chaîne de télévision britannique diffuse un reportage sur la Birmanie. Et on y voit des images terribles. Quoi? Des gosses qui sont employés à la construction d'une ligne de chemin de fer dans la jungle. Et ils travaillent dans des conditions épouvantables sous la surveillance de militaires birmans. Ils n'ont d'ailleurs pas le choix, puisque ce sont des travailleurs forcés. Mais quel rapport avec la construction du gazoduc de Total? J'y viens. Cette ligne de chemin de fer serait destinée à acheminer du matériel nécessaire au chantier du gazoduc. Conclusion, la compagnie Total est complice de la scandaleuse exploitation de ces malheureux enfants. Et c'est vrai? Attendez, il faut d'abord savoir que la diffusion de ce reportage en Grande-Bretagne n'est pas innocente. Et pourquoi? À cause du pont de la rivière Kwai. Ah, ça y est, on y voit. Oui. Voilà, oui, c'est ça. Et les téléspectateurs, et parmi eux quelques rescapés de cette terrible aventure, croient revoir la construction de cette ligne de chemin de fer au cours de laquelle des dizaines de milliers de prisonniers ont trouvé la mort. Et l'émotion est considérable. D'accord, mais les images sont les images, à moins qu'elles n'aient été truquées. Non, elles n'ont pas été truquées. Mais c'est le commentaire qui a été truqué. Ah, expliquez-moi. En réalité, il n'y a aucun rapport entre l'édification de cette nouvelle ligne de chemin de fer au sud du pays et la construction du gazoduc. Mais comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que les matériels nécessaires au gazoduc sont acheminés par mer. Alors il s'agit d'un amalgame. Oui, d'un amalgame pas innocent du tout. Car en mêlant les activités de Total et l'ignoble conduite de l'armée birmane, on veut évidemment provoquer un choc dans l'opinion internationale. Et ça ne fait que commencer. Parce qu'il va y avoir d'autres accusations. Très nombreuses, oui. Les ONG et les organisations de défense de droits de l'homme s'en mêlent. Et bientôt, on va directement accuser la compagnie française de profiter de la pratique du travail forcé sur son chantier. Et qu'en est-il? La réponse ne peut être qu'ambiguë. Pourquoi alors? Il faut d'abord savoir que le travail forcé est traditionnel en Birmanie, est pratiquement légal. Et vous pensez bien que les militaires birmans en usent et en abusent. Oui, mais sur le chantier de Total? Il y a des travailleurs birmans, payés directement par Total, ou plutôt bien d'ailleurs, par rapport au salaire pratiqué dans le pays. Mais d'où viennent-ils ces travailleurs? C'est la question. Il semble que ce soit l'armée qui les envoie sur le chantier. L'armée qui peut ensuite être tentée de les rançonner ou de les dépouiller purement et simplement. On ne serait pas alors bien loin du travail forcé. C'est juste, oui. Donc les accusations des ONG ne sont pas forcément inexactes. Je dois le reconnaître. D'autres, par contre, sont sans fondement. Total a été accusé d'avoir été complice de la déportation de villageois. Des habitants de villages qui se trouvaient sur le tracé du gazoduc. C'est faux. Si des villageois ont été déplacés, c'est dans la zone contrôlée par les Birmans. Et au contraire, la compagnie française a largement participé à l'amélioration des conditions de vie dans les villages. Donc les accusations des ONG n'étaient pas toutes justifiées? Non, mais c'est surtout l'origine de ces organisations qui est intéressante. La plupart étaient anglo-saxonnes, américaines, britanniques ou australiennes. Elles venaient donc de pays où résidaient les principaux concurrents de Total. Et vous pensez qu'elles ont peut-être été manipulées? Ça, j'en suis persuadé, d'autant que ces ONG, organisations non gouvernementales, donc, sont parfois en réalité des organisations qui bénéficient de larges financements étatiques. Et leur indépendance peut donc être suspectée? Je le crois, oui. Autre chose, je suis sûr que des services se trouvent derrière ce qu'il faut bien appeler une opération de désinformation. Une opération qui devait être destinée à obtenir le désengagement de Total en Birmanie? Oui. Ouais. Mais ces désinformateurs, enfin s'ils existent, n'ont pas réussi puisque Total se trouve toujours là-bas. Ce n'est pas si simple que ça. J'observe que si le gazoduc a été effectivement construit, la centrale thaïlandaise qui doit en principe fonctionner avec le gaz naturel n'est toujours pas en service. Et donc Total ne peut pas récupérer son investissement et faire des profits. Autre chose, dans cette affaire, quelle a été l'attitude de l'opposition démocratique birmane? Elle a été très claire. Aung San Suu Kyi a toujours déclaré qu'en construisant ce gazoduc, Total aidait indirectement les dictatures militaires. Mais voyez-vous, dans cette affaire, la compagnie française a été prise au piège. Mmh, quel piège, ouais. Dès le départ, les militaires birmans ont été les plus malins. Ils ont fait en sorte que leurs intérêts et ceux de Total coïncident totalement. Et ils ne se sont pas privés de le faire savoir. Mmh, vous voulez dire qu'ils ont fait, eux aussi, de la désinformation ? C'est évident. Leur problème, c'était de profiter de Total, de son argent, de son entre-gens, de son savoir-faire, de sa respectabilité. C'était aussi de la mouiller. Du coup, la compagnie française, de plus en plus engagée, ne pouvait plus reculer. Joli travail, en somme. Éric Dénessé, un ancien analyste du Secrétariat général de la Défense nationale, a publié en 1999, dans la revue de la Défense nationale, justement, un article sur ce qu'il appelle l'intelligence humanitaire, c'est-à-dire le détournement de l'action humanitaire. J'en extrais ces quelques lignes. Depuis quelques années, divers États occidentaux font systématiquement de l'entrisme dans des opérations humanitaires ou dans des projets de développement en vue d'en tirer des bénéfices économiques à moyen et à long terme. À cet effet ont été conçues des stratégies très innovantes qui s'appuient sur un discours circonstancié dans lequel la mise en avant de l'humanisme et l'apprentissage de la démocratie permettent d'utiliser la légitimité du développement au profit d'intérêts commerciaux. Plus loin, cet auteur écrit, confirmant ainsi le propos de M. X, le rôle d'une ONG peut aussi consister à déstabiliser un concurrent, comme cela a pu être observé lors de la campagne d'attaque contre Total en Birmanie ou à propos des projets hydroélectriques d'EDF au Laos. Enfin, Dénessé affirme: les stratégies de noyautage employées consistent à pénétrer dans ces organisations, non pas en y recherchant des postes de direction voyants et exposés, mais des responsabilités fonctionnelles et opérationnelles plus à même d'influer sur les décisions. Secrétaire de comité, responsable des appels d'offres ou experts chargés d'orienter les décisions. Elles peuvent prendre sur le terrain différentes formes, placées aux bons endroits des conseillers techniques à casquette humanitaire qui serviront de relais d'opinion ou de guide pour la prospection commerciale. Faire nommer, à la tête du support radiophonique créé par une organisation internationale, un agent d'influence sous couverture qui aura pour mission d'infléchir en un sens déterminé la politique éditoriale de la radio locale. Il me faut toutefois relever que ce spécialiste, Dénessé donc, a collaboré à l'occasion avec Total, en particulier sur l'affaire birmane, même si ensuite cette collaboration a été rompue. Ce qui peut donner un autre éclairage à sa tête. Enfin, je vous renvoie au livre déjà cité de Rémy Koffer, L'arme de la désinformation, paru chez Grasset. Et puis, je vous rappelle que désormais, vous pouvez obtenir des informations sur l'émission et même la réécouter en communiquant avec notre site www.franceinter.com sur Internet, bien sûr, à samedi prochain.